bien. Dans le futur, les voitures volent. I love the future for the future and the future is love for me. Yeah, ouais. Dans le futur, j'aime. Dans le futur, le boudin est en aluminium et les canards en pingouins. Oh, le futur, futur. Dans le futur, j'ai peur. Le futur, c'est dans 25 ans. 22. Non mais merde, tu fais chier, Drac. Le futur, c'est bien. Le futur, c'est good. Yeah. Dans le futur, les biomans ne servent plus à rien et moi, je sers à tout. Dans le futur, j'ai un t-shirt de fou. Dans le futur, j'ai des lèvres. Et dans le futur, j'ai un gros...